الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم أما بعد كما اتفقنا عليه الأسبوع الماضي سنبدأ إن شاء الله في مدارسة علم العقيدة يوم الجمعة ونستمر يوم الأحد في شرح كتاب عمدة الأحكام وأول كتاب سنتدارسه فيما بيننا بالنسبة لعلم العقيدة هو كتاب القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقبل الدخول في شرح المتن لا بد من ذكر بعض المقدمات حول علم العقيدة. فعلم العقيدة علم مستقل عن سائر العلوم، ومع الأسف الكثير من المسلمين لم يعطي يعني أدنى أهمية لهذا العلم، ولهذا وقع المسلمون فيما وقعوا فيه من الشركيات ومن الابتداع في الدين، لأنهم ظنوا أن بسبب كونهم مسلمين أنهم لا يمكن لهم أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء. المعتقد علم يتعلم كما يتعلم الفقه وكما يتعلم العربية وكما يتعلم الفرائض وكما يتعلم أصول الفقه وكذلك السيرة النبوية إلى غير ذلك من العلوم. العقيدة علم مستقل ينبغي للمؤمن أن يعنى به. Donc, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme prévu la semaine dernière, à partir d'aujourd'hui, nous allons consacrer le vendredi à des cours sur la croyance musulmane, ce que l'on appelle l'aqida, et le dimanche, nous continuons à expliquer le livre Umdat al-Ahkam. Et donc le premier livre que nous allons essayer d'étudier ensemble, c'est un livre qui s'appelle Al-Qawa'id Al-Arba', les quatre règles de Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah. Et donc avant de commencer à expliquer ce livre, nous allons citer certaines choses comme introduction avant de commencer à expliquer la parole ou bien le texte du livre. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la croyance, la science de la croyance, c'est une science comme toutes les autres sciences. Donc, il faut que le musulman, il essaye d'apprendre ce qui lui est demandé de croire. Car beaucoup de musulmans, ils pensent que la science, c'est le fiqh, c'est apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est apprendre la langue arabe, c'est apprendre l'usul, c'est apprendre la science du hadith, c'est apprendre les autres sciences, etc., etc. C'est vrai que toutes ces sciences que nous venons de citer sont des sciences, mais il faut en aucun cas délaisser la science de la croyance, la science de l'aqida, car c'est la base de toute chose. Si la personne n'a pas une bonne croyance, tout le reste sera également mauvais. Et également, le fait que les musulmans ont délaissé cette science, c'est la chose qui les a amenés vers ce dans quoi ils sont tombés, comme vous pouvez le constater dans les pays musulmans, le fait que autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est adoré. Par exemple, même pendant le Hajj, vous verrez des gens qui implorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui leur enseigne la croyance. Les gens pensent que du fait qu'ils sont musulmans, à ce moment-là, ils ont forcément une bonne croyance. Non, la croyance musulmane, elle est tirée du Coran et de la Sunna. Donc si tu n'as pas de connaissance du Coran et de la Sunna, comment tu veux construire ta croyance? Par exemple, la croyance, même admettons les six piliers de l'islam, la croyance en Allah, aux livres, aux messagers, aux anges, etc. Et tout ça, d'où nous appris? Comme des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Donc si la personne ne donne pas d'importance à cette science, elle ne peut pas avoir une bonne croyance. Idan dirasatu al-aqida yanbaghi an yata'allam al-insanu al-aqida al-islamiyya wifqa manhajiyatin salimatin sahiha. Fa'ilm al-aqida a'az wa ashraf al-ulum li'annahu muta'alliq بالله تبارك وتعالى والعلم يعلم ويعرف شرفه بمعلومه فأي علم أن تنظر بأي شيء هو متعلق فكل ما كان هذا المتعلق يعني أشرف كل ما كان العلم أشرف فعلم العقيدة أشرف العلوم لأنه متعلق برب العالمين سبحانه وتعالى و دراسة العقيدة تبين المنهج الوسط الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وهذا العلم له مسميات كثيرة فالعلماء رحمهم الله عندما صنفوا كتبهم في المعتقد ليس كل واحد منهم سمى هذا العلم بنفس الاسم فمنهم من سماه علم العقيدة ومنهم من سمى علم التوحيد ومنهم من سمى علم أصول الدين ومنهم من سمى علم الإيمان ومنهم من سمى علم السنة ومنهم من سمى بالفقه الأكبر كالإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتاب نسب إليه فمثلا يعني أصول الدين نجد يعني الإمام أبو الحسن الأشعري ألف كتاب اسمه الإبانة في أصول الديانة في أصول الديانة العقيدة مثلا كتاب العقيدة الوسطية واعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان مثلا أنا كتاب الإيمان لابن منذى كتاب التوحيد عندنا ابن خزيمة وكذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه آخر كتاب في صحيح اسمه كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيح الإمام البخاري اسمه كتاب التوحيد وكذلك السنة الإمام أحمد رحمه الله له كتاب اسمه السنة والفقه الأكبر لأبي حنيفة فالعلماء بهذه المسميات قصدوا شيئا واحدا وهو الشيء اللازم بالقلب ما عقد على القلب وجزم به فالاعتقاد ينبغي أن يكون جازما على القلب ليس فيه تردد أنت إذا آمنت بالله تبارك وتعالى لا تتردد في إيمانك فلابد أن يكون اليقين وكذلك في إيمانك بالأنبياء والرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر إلى غير ذلك donc lorsque la personne donc veut étudier la science de la croyance il faut qu'elle suive le bon chemin le bon chemin, ce qui lui permettra donc d'avoir une croyance basée sur le juste milieu. Sur le juste milieu, la croyance musulmane, elle est le juste milieu entre les autres religions. Et les gens qui suivent la voie de Al-Sunna, ils sont également au juste milieu entre les différents groupes et les différentes sectes. Donc il faut que le musulman donc il essaye donc de suivre une manière basée sur le juste milieu afin de ne pas dévier car une déviation dans la croyance ce n'est pas comme une déviation dans le fiqh c'est beaucoup plus grave du fait que la croyance elle est liée à Allah subhanahu wa ta'ala et donc la science de la croyance c'est la plus noble des sciences donc lorsqu'on parle d'une science on regarde à quoi elle est liée. Si on regarde par exemple le fiqh, à quoi est-ce que c'est lié? La sira, à quoi est-ce que c'est lié? Toutes les sciences de manière générale sont nobles. Mais le fait que la croyance soit liée à Allah subhanahu wa ta'ala, elle est encore plus noble que toutes les autres sciences. Les savants, rahimahumullah, lorsqu'ils ont écrit des livres sur la croyance musulmane, ils n'ont pas tous donné les mêmes noms à leurs livres. Ils n'ont pas tous appelé la croyance de la même manière, mais ils ont tous voulu parler d'une seule et même chose. Il y en a qui ont appelé cela usul ad-din, c'est-à-dire les bases de la religion. Il y en a qui ont appelé cela l'aqida, la croyance, donc l'i'tiqad, d'autres l'iman, la foi, d'autres al-tawhid, l'unicité, d'autres al-sunnah, c'est-à-dire la voie à suivre. D'autres ont appelé cela al-fiqh al-akbar, la plus grande des jurisprudences. Du fait qu'il y a al-fiqh al-asrar, qui est lié aux pratiques, qui est la prière, l'odo, al-hajj, etc., etc. Et al-fiqh al-akbar, c'est la plus grande des jurisprudences. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man yuridillahu bi khayran yufaqqihu fi ad-din, est-ce qu'il veut parler seulement de la jurisprudence du hajj, la salat et du jeûne? Non, il veut parler de toute la religion. Faire comprendre la religion, ça rentre également la croyance qui est l'aqida. Idhan l'aqida kama يفهم من هذا الاسم يعنى به الأمور اللازمة في القلب والقلب قد عقد على هذه الأمور وجزم بها كما قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. القلب قد عقد هذه الاعتقادات على القلب فلا يوجد في القلب تردد ولا أدنى شك تجاه هذه الأمور فأنت تؤمن بالله اعتقادا جازما تؤمن بالأنبياء والرسل اعتقادا جازما وكذلك الملائكة والكتب واليوم الآخر والجنة والنار إلى ما إلى ذلك وما إلى ذلك. Donc la croyance, l'aqida, ça veut dire les choses au sujet desquelles le cœur est lié. C'est-à-dire que lorsque la personne croit à ces choses-là, le cœur devient fermé, dans le sens que il n'y a aucun doute à cette croyance. Donc lorsque la personne croit en une chose sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, c'est ce qu'on appelle al-aqida. C'est ce qu'on appelle al-aqida. Donc la personne, lorsqu'elle croit en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au paradis, à l'enfer, au jour dernier, il faut que ce soit une croyance qui ne soit une croyance ferme et sans aucun doute. سنذكر بعض الخصائص للعقيدة الإسلامية. الخاصية الأولى أن العقيدة الإسلامية توقيفية. ماذا نعني بالتوقيفية؟ ما معنى التوقيفية؟ ما توقيفية لا دخل للعقل فيها، فالعقيدة تؤخذ من القرآن ومن السنة والإجماع، مفهوم؟ فليس لأحد أن يعتقد شيئا بدون دليل، ولا يوجد في العقيدة طيب الأدلة في الفقه هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب في العقيدة لا يوجد قياس، العقيدة لا يوجد قياس، مفهوم؟ لا يوجد كان تقيس شيئا على شيء. العقيدة أمور متعلقة بالله تبارك وتعالى، تريد أن تقيس الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، في الأحكام عندما تقيس شيء على شيء لأنه وجه مماثلة بينهم ولا لا؟ طيب في في في في الزكاة مثلا نخرج الزكاة من النقود لأننا قسنا النقود على الذهب والفضة ولا لا؟ لأن كنا مماثلة. طيب الله عز وجل ستقيسه بماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا قياس في المعتقد، مفهوم؟ فتؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. وبعدهم ذكر سد الذرائع. Donc la science de la croyance, العلم العقيدة, elle possède certaines particularités. Nous allons en citer certaines. La première de ces particularités est qu'elle est, en arabe, on va dire tawqifiyya. C'est-à-dire que la croyance musulmane n'a aucune place, enfin ne donne aucune place à la raison. Il n'est pas demandé à une personne de croire en Allah subhanahu wa ta'ala certaines choses par ce qu'il s'imagine, par sa raison. Donc le musulman, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui est cité dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi il y a ijma' al-salaf, donc c'est-à-dire consensus des premiers siècles de l'islam, consensus des premiers siècles de l'islam. Donc la croyance, il est demandé à la personne donc de chercher des preuves dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il donne ou cite un ijma' sur ce sujet. Lorsqu'on parle de jurisprudence, donc dans le fiqh, nous avions cité à plusieurs reprises que lorsqu'on veut appuyer une preuve dans le fiqh, on a quatre choses. Quatre choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Nous avons le Coran, la Sunna, le consensus et ce que l'on appelle Al-Qiyas. Al-Qiyas qui veut dire... Comment ça veut dire Al-Qiyas ? L'analogie. L'analogie, c'est lorsqu'on donne le statut d'une chose à une deuxième chose parce qu'il lui ressemble. Comme par exemple, à l'heure actuelle, tout le monde donne la zakat de la monnaie avec laquelle nous commerçons. Donc les euros ici, les dollars ailleurs. À l'époque du prophète sallam, il n'y avait pas ces monnaies. Donc ils commerçaient avec de l'or et de l'argent. Du fait qu'il y a une ressemblance entre cette monnaie-là et celle que nous utilisons, nous donnons la zakat sur la monnaie que nous utilisons. Dans la science de la croyance, il n'y a pas de qiyas, il n'y a pas d'analogie. Pourquoi ? Parce que l'analogie, déjà, ça demande qu'il y ait une ressemblance entre les deux choses. Et vous voulez faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, laissa kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah ne ressemble à rien et c'est lui qui entend et qui voit. Kadhalika mu'azam al-umur al-aqadiyya ghaybiyya. Fa mu'azam al-umur al-aqadiyya ghaybiyya. Wa min hadhi al-umur al-ghaybiyya أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعلم بالقدر خيره الإيمان بالقدر خيره وشره. Également parmi les choses spécifiques à cette croyance, le fait que la majorité des sujets de la croyance musulmane sont des choses invisibles, des choses liées à l'invisible. Et plus particulièrement, les six piliers de l'islam, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin. كذلك هذه العقيدة الإسلامية متكاملة وشاملة. هذه العقيدة متكاملة وشاملة لا يوجد فيها نقص. وهي كذلك ملائمة للفطرة السليمة. هي ملائمة للفطرة السليمة. فإذا طلب الإنسان الإيمان بشيء معين فإنه يشرح له بدليل من الكتاب ومن السنة أو من الإجماع ففطرته تقبل ذلك فطرته تقبل ذلك également donc la croyance musulmane elle est parfaite et complète également elle est en concordance avec Al-Fitra, c'est-à-dire la nature originelle de l'homme. Donc, lorsque on demande à une personne de croire en telle et telle chose liée à Allah subhanahu wa ta'ala, liée à ses prophètes, liée au Coran, liée aux autres livres au jour dernier, en donnant une preuve du Coran ou de la Sunna, toutes les choses sont acceptées par l'homme car cela est en concordance avec sa nature originelle. وكذلك كما قلنا العقيدة الإسلامية وسطية بين معتقدات الأديان الأخرى فهي في الوسط مثلا في باب الأنبياء المسلمون يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل مفهوم؟ فبعض أهل الكتاب أنكروا نبوة بعض الأنبياء لا المسلمون آمنوا بجميع الرسل وبعض أهل الكتاب رفعوا بعض الأنبياء فوق منزلتهم كما هو شأن النصارى فأهل الإسلام وسطية بين هذه الملل وكذلك أهل السنة والجماعة وسطية بين الفرق المختلفة également donc comme on a dit la croyance musulmane est au milieu ou bien suit le chemin du milieu entre les différentes religions dans tous les chapitres de la croyance. À titre d'exemple, on va prendre la croyance aux prophètes. Certaines religions donc ont refusé de croire à la prophétie de certains prophètes. Donc à l'époque, par exemple chez les Bani Israël, ils acceptaient la prophétie d'un prophète et refusaient la prophétie de certains autres. Les musulmans, ils croient en tous les prophètes. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui ont élevé certains prophètes au-dessus de leur rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, comme l'ont fait les chrétiens avec le Messie Isa ibn Maryam en l'élevant au-dessus de son rang de prophète et de messager d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des attributs qu'on ne peut attribuer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les musulmans croient en tous les prophètes mais en aucun cas ne les élèvent au-dessus du rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. فالأهداف من دراسة هذا العلم هي معرفة الله تبارك وتعالى. هذا أول هدف، أن تعرف الله تبارك وتعالى. وكلما عرفت الله تبارك وتعالى كلما ازداد حبك له، وكلما ازداد حبك له كلما أردت أن تتقرب إليه تبارك وتعالى بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدف، أن تعرف الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يرزقك فإنك تتوكل عليه ولا تبالي بما في أيدي الناس. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي والرزاق ذو القوة المتين. وإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحيي ويميت ووحده هو الذي خلقك ووحده هو الذي يدبر الأمر إلى غير ذلك من صفات ربوبيته فإنك تصرف العبادة كلها له وحده لا شريك له. Donc le but de l'étude de cette science, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le but, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus la personne apprend la croyance musulmane, plus elle connaît son Seigneur. Et plus le musulman connaît son Seigneur, plus son amour pour lui augmente et plus il a envie donc d'œuvrer et de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. Également, le fait de connaître cette science évite à la personne de tomber dans des erreurs. De tomber dans des erreurs de croyance. Et que également, lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui te donne ta subsistance, tu t'en remets à lui subhanahu wa ta'ala seul. Lorsque tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie, qui te fera mourir, c'est lui également qui va ressusciter tous les gens, tu te diriges vers lui seul subhanahu wa ta'ala dans toutes tes adorations. فكما قلنا في بدايه هذا الدرس هذا العلم يسمى بعلم التوحيد هذا العلم يسمى بعلم التوحيد وقسم العلماء رحمهم الله التوحيد الذي هو افراد الله تبارك وتعالى بالربوبيه او بافعاله وبعبادته سبحانه وتعالى بعض العلماء قسم هذا التوحيد إلى ثلاثة أقسام وبعض العلماء قسمه إلى قسمين فقط ولا مشاحة في الاصطلاح لا إشكال في ذلك وحتى وصل العلماء رحمهم الله إلى هذا التقسيم استقرأوا نصوص الكتاب والسنة فأخذوا النصوص المتعلقة بالله تبارك وتعالى فوجدوها على ثلاثة أقسام بعضها متعلق بربوبية الله تبارك وتعالى وبعضها متعلق بألوهيته سبحانه وتعالى وبعضها متعلق بأسمائه وصفاته ومن العلماء من ذكر قسمين في قسم واحد فقسم التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات وهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات والقسم الثاني هو توحيد الإرادة والطلب الذي هو توحيد الألوهية ولا إشكال في ذلك كما قلنا هذا الاستقراء هو شبيه بما فعله علماء النحو علماء النحو رحمهم الله عندما استقرأوا كلام العرب والقرآن وجدوا أن الكلام العربي ثلاثة أقسام شنوما الاسم والفعل والحرف ولا لا أي كلام عربي إما اسم أو فعل أو حرف ولا لا كان شي قسم رابع ما ممكنش هذا يسمى استقراء يأخذون النصوص ويستخرجون القواعد فنفس الشيء بالنسبة لأقسام التوحيد أخذوا النصوص وقسموا النصوص على ثلاثة أقسام قسم متعلق بربوبية الله وقسم متعلق بألوهيته وقسم متعلق بأسمائه وصفاته وهذا كلام من فعله القدماء فهذا التقسيم موجود في كلام يعني مثلا يعني أبو جعفر الطبري رحمه الله وكذلك يعني ابن منذا من علماء القرن الرابع الهجري ويعني استمر الأمر إلى وصل هذا التقسيم إلى يومنا هذا وسنشرح كل قسم وما معناه Donc, la science de la croyance, la science du tawhid. Donc, tout d'abord, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de l'islam, lorsqu'ils ont observé les textes du Coran et de la Sunna, ils ont vu que tous les textes liés à Allah subhanahu wa ta'ala étaient de trois sortes, ou bien de deux sortes. une première sorte liée à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que l'on peut dire al-rububiyya, qui sont liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie est liée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tous les textes où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à ses serviteurs de l'adorer seul. Et la troisième catégorie, ce qui est lié aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la division du tawhid la plus connue, que tout le monde connaît, les trois catégories. Et il y a également certains savants qui l'ont divisé en deux seulement, en disant tawhid al-ma'rifati wal-ithbat, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance et de l'attribution. Et ils ont fait rentrer dans cela al-rububiyya et l'asma wa sifat, c'est-à-dire la seigneurie et les noms et les attributs. Et la deuxième catégorie, ils ont appelé cela tawhid al-iradati wa talab, c'est-à-dire le tawhid de la volonté et de ce qui est demandé, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a aucun problème si la personne désire suivre la division en deux parties ou en trois, il n'y a aucun problème à cela, ce n'est qu'une manière de faire. Également, donc cette division, c'est proche de ce qu'ont fait les savants de la grammaire arabe, ulama al-nahw, lorsqu'ils ont observé les paroles arabes dans le Coran, dans les poèmes arabes, ils se sont rendus compte que la parole arabe, tous les mots arabes, étaient de trois catégories. Nous avons l'ism, le nom, al-fi'l, le verbe, wa al-harf. Comment on pourrait traduire harf? Hein? La page de lettres. Pas un? Particule. Bref, si c'est pas un nom, c'est pas un verbe, c'est une particule. Et on a beau chercher où on veut, dans les textes arabes, on ne trouvera pas de mots qui ne sortent de ces trois catégories. Également, si on observe les textes du Coran et de la Sunna, on ne pourra pas trouver de textes liés à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne sortent d'une de ces trois catégories. C'est clair ou pas? C'est comme également lorsqu'on dit il y a cinq continents. Est-ce qu'un pays sort de ces cinq continents? Il n'y a pas de pays qui sort de ces cinq continents. C'est pareil ici. Les textes, soit c'est l'uluhiyya, soit al-rububiyya, soit al-asma wa sifat. إذن الربوبية توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله أن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله فتفرد الله تبارك وتعالى وتعتقد أنه وحده الذي يرزقك ووحده الذي خلقك ووحده الذي يحيي ويميت ووحده يعلم الغيب إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى والأدلة كلها مذكورة في الكتاب. مثلا الرزق, الله عز وجل يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب والإحياء والإماتة والله يحيي ويميت. بالنسبة لعلم الغيب, عالم الغيب والشهادة, فكل شيء في المعتقد له دليله في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la première catégorie, donc tawhid al-rububiyya, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, c'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul est seul dans ses actions, comme le fait que Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est lui qui te donne ta subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est lui qui donne la vie et fait mourir. Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est lui qui crée. Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est lui qui connaît l'invisible, etc., etc. C'est ce que l'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Donc c'est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid al-Uluhiyya, an tufrid Allah tabaraka wa ta'ala, an tuwahid Allah bi-af'alika. Fal-mukallaf yuwahid Allah tabaraka wa ta'ala bi-af'alihi wa bi-ibadatihi. فإذا صلى صلى لله وحده فإذا صام صام لله وحده وإذا ذبح ذبح لله وحده إلى غير ذلك من أنواع العبادات. Donc la deuxième catégorie, c'est tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Cette fois-ci, c'est le fait d'unifier ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu fais le pèlerinage, lorsque tu invoques, lorsque tu demandes secours, lorsque tu sacrifies, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est ce que l'on appelle tawhid al-uluhiyya, l'unicité dans l'adoration. Et la troisième catégorie, c'est tawhid al-asma'i wa sifat wa an tuthbita lillahi tabaraka wa ta'ala ma athbatahu li nafsihi min al-asma'i wa sifat fi kitabihi aw ala lisan nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam min ghayri tamthil wala ta'til wala min ghayri tamthil wala ta'til wala ta'wil wala tashbih wa kadhalika fa idhan taqul anna Allah subhanahu wa ta'ala tuthbitu ma athbathahu li nafsihi wa ta'taqid anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'u al-basir. Donc la troisième catégorie, c'est le fait de croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le Coran, vous trouverez des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également des attributs dans le Coran et dans la sunna. Donc il faut que le musulman attribue cela à Allah subhanahu wa ta'ala, sans penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures et sans rejeter ses noms et ses attributs. Donc la personne les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à ses créatures. وهناك ارتباط ونسبة بين هذه الأنواع. فتوحيد الربوبية وكذلك الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وحده والرزاق، وحده يحيي ويميت، وحده يخلق، ووحده يعلم الغيب والشهادة، ووحده يدبر الأمر، فإنه مطالب بعبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا في القرآن دائما رب العالمين يخاطب المشركين بما كان مقررا عندهم من توحيد الربوبية، فيدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل خاطبهم بما كان مقررا عندهم. فالمشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، وكانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، ولكن مع ذلك كانوا يشركون به غيره، فيضعون بينهم وبين الله تبارك وتعالى وسائط، وهم الأصنام أصنام. ولهذا الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا كان مقررا عندهم، ولكن كانوا يشركون في عبادة الله. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، متضمن لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. فمن يعبد الله تبارك وتعالى فقد يعني اعتقد قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرزاق هو المحيي المميت، وقد اعتقد الأسماء ما جاء لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. Donc il y a également un lien entre ces catégories d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première catégorie que nous avons citée, qui est Tawhid al-Rububiyya, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, ça impose à la personne qui croit en cela d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent, il s'adresse aux associateurs en leur rappelant des choses auxquelles ils croyaient. Car pour comprendre l'islam, il est très important de savoir quelle était l'erreur que commettaient les gens de Quraysh. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a été envoyé? Est-ce que parce qu'ils pensaient que leur statuette c'est elle qui avait créé les cieux et la terre, ou bien que leur statuette c'était elle qui donnait, qui faisait descendre la pluie, etc., etc.? Non. Les gens de Quraysh, les associateurs, savaient que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui avait créé les cieux et la terre, c'est lui qui faisait descendre l'eau, c'est lui qui leur donnait leur subsistance. Mais ils mettaient entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires. Ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous les adorons afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela a été considéré comme une association, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a été envoyé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, souvent il s'adresse aux associateurs en leur disant: vous qui croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui vous a créé, qui a créé ce qui était avant vous, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, pourquoi donc vous adorez autre que lui? Allah a dit: ya ayyuhan nas, ô gens, ou'budu rabbakum, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, celui qui a fait pour vous la terre telle un lit. Was-sama'a bina'an, et le ciel telle une fondation. Wa anzala minas sama'i ma'an, et a fait descendre du ciel de l'eau. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, et a fait descendre grâce à cette eau des fruits, subsistance pour vous. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez donc pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez bien. Et également Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration englobe donc les autres sortes de Tawhid. Donc la personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seule, elle croit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne leur subsistance, etc., etc. Tawhid al-Rububiyya. كلكم يستطيع أن يجيب. هل يكفي للدخول في الإسلام؟ طيب من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي المميت، والذي يدبر الأمر، والذي يعلم الغيب والشهادة. طيب من يعتقد ذلك؟ هل هو مسلم؟ ها؟ يكفي؟ لا ما يكفي. وإلا لصار المشركون مسلمين. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون ذلك، ولكن مع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، بل ما كانوا يعتقدون سماهم الله سبحانه وتعالى فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. également توحيد الربوبية، le fait d'unifier Allah سبحانه وتعالى dans sa seigneurie ne suffit pas à rendre la personne musulmane. Donc le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé, c'est lui qui donne, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait mourir, etc., etc., le fait de croire cela ne rend pas la personne musulmane. Sinon les associateurs de la Mecque auraient été tous musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été envoyé à eux et ne les aurait pas combattus pour rendre la religion entièrement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la divergence qu'il y a eu entre les prophètes et leur peuple, c'est toujours pour la deuxième catégorie, qui est Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, le fait de l'adorer seul. Ce n'est pas dans la première catégorie qui est Tawhid al-Rububiyya. سنذكر يعني بعض الأشياء التي تدل على فضائل وأهمية هذا العلم. فالتوحيد هو أول أمر ذكر في القرآن. الآن عندنا الفعل إما ماضي أو مضارع أو أمر ولا لا؟ طيب. أول أمر، أول شيء طلبه الله تبارك وتعالى في كتابه هو أمره بالتوحيد، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر ذكر في القرآن، هذا يدل على أهمية التوحيد. وكذلك التوحيد هو حق الله على العباد. كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار و قد أردف معاذا رضي الله عنه خلفه، فقال له يا معاذ، فقال له معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ، فقال له معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن فعلوا، فإن فعلوا ذلك حق العباد على الله أن لا يعذبهم. Donc nous allons citer également certaines choses prouvant l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'importance également d'apprendre cette science de la croyance. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, c'est le premier ordre qui a été cité dans le Coran. Donc les verbes en arabe, nous avons al-mardi, le passé, al-mudari', le présent ou le futur, et al-amr, ce qui est le verbe à l'impératif, lorsqu'on donne un ordre. Le premier ordre cité dans le Coran, la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de ses serviteurs, c'est qu'ils soient adorés seuls. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô gens, adorez votre Seigneur. Ce qui prouve donc l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, at-tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était donc sur était monté sur un âne et derrière lui il y avait Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu. Et le prophète lui a dit Mu'az lui a dit oui ô messager d'Allah, c'est-à-dire que désires-tu? Le prophète lui a dit sais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Mu'az lui a dit Allah et son messager savent mieux. Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète lui a alors dit le droit d'Allah envers ses serviteurs c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien, et le droit de ses serviteurs envers Allah c'est qu'il ne les châtie pas si il l'adore et ne lui associe rien. Donc c'était une bonne annonce pour les musulmans. Mu'az qala nabi sallam ya rasulullah afala ubashshiru an-nas, fa qala nabi sallam la tubashshirhum fayattakilu. Mu'az alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, dois-je faire la bonne annonce donc de ce que tu viens de me dire aux croyants? Le prophète a dit la tubashirhum, ne leur fais pas cette annonce, fayattakilu, c'est-à-dire ils délaisseront le fait d'œuvrer. Wa haddatha bihi Mu'az fi akhir hayatihi ta'athuman an khafa an yakun qad katama 'ilman. كذلك التوحيد هو دعوة الرسل كافة فما من نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Également, parmi les choses qui prouvent l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, le fait que c'est le message avec lequel est venu, avec lesquels sont venus tous les prophètes. Donc tous les prophètes ont été envoyés afin de ramener leur peuple vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, Allah a dit dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ. Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui ayons révélé que nul ne mérite d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك التوحيد هو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام. فإذا نطق بالشهادتين صار مسلما صار موحدا. فإذا قال لا إله إلا الله أصبح مسلما. والشهادة بالتوحيد كذلك هي آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا. فهو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام وآخر ما ينطق به عند الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا رواه أبو داود وحديث معاذ في الصحيحين. Également, le fait d'attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose qui fait entrer l'individu dans l'islam. Parce que la personne dit Ashhadu an la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, la personne devient musulmane. Et également, c'est la dernière chose que la personne doit prononcer à la fin de sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui dont la dernière parole sera la ilaha illallah entrera au paradis. Donc c'est une chose qui nous suit et nous accompagne du début de notre vie jusqu'à la fin. وكذلك هو الغاية من خلق الثقلين خلق الجن والإنس. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني قال ابن عباس رضي الله عنه إلا ليعبدون إلا ليوحدوني إلا ليوحدوني. Également, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les démons. Comme Allah le dit dans surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les démons et les hommes que afin qu'ils m'adorent. Que pour but qu'ils ne m'adorent. Et cette adoration est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Abdallah ibn Abbas, dans l'explication de ce hadith, de ce verset, il dit إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. Afin qu'il m'unifie et ne m'associe rien. وكذلك الناس بحاجة إلى التوحيد أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فالتوحيد فيه حياة القلوب. فيه حياة القلوب. على الإنسان أن يخصص وقتا حتى يتعلم علم المعتقد فإنه بالأهمية بمكان. وقد سمعت ما يدل على هذه الأهمية. Également, les gens ont besoin de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est elle une nourriture pour le cœur. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et donc, il faut que le musulman essaye de consacrer un peu de son temps afin d'apprendre donc cette science de la croyance, car elle est très importante. Nous avons cité les preuves de son importance. كذلك التوحيد أعظم أسباب لمغفرة الذنوب. أعظم الأسباب لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. فالتوحيد من أعظم أسباب لمغفرة الذنوب, ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك قالت الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Également, le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie des grandes causes permettant à la personne de se faire pardonner ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah a dit, donc dans un hadith divin rapporté par At-Tirmidhi, il est présent dans, c'est le dernier hadith de l'Arba'in al-Nawawiyya, « L'watitani biqura bil ardi khataya » Si tu me viens, c'est-à-dire Yawm al-Qiyama, au moment de ta mort, avec autant de péchés que la terre peut en contenir. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Mais en même temps, malgré ces erreurs, tu viens à moi en ne m'ayant rien pardonné. لأتيتك بقراب الأرض. Hein? J'ai dit quoi? Hein? Si tu viens à moi en ne m'ayant rien associé, لأتيتك بقراب الأرض مغفرة. C'est-à-dire, je viendrai à toi, Allah a dit, je viendrai à toi avec de la miséricorde et du pardon autant que la terre peut en contenir, et donc les erreurs seront pardonnées. Également dans Surat Al-Ahqaf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des djinns qui ont entendu le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont revenus à leur peuple pour les appeler à l'islam, ils ont dit ya qawmana ajibu da'i Allah, c'est-à-dire ô notre peuple, répondez à l'appel d'Allah, ou bien à celui qui appelle à Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum, il vous pardonnera vos péchés, wa yujirkum min adhabin alim, et il vous éloignera d'un châtiment douloureux. Hadha ma kana ma tayassara lana i'daduhu fi fadl hadha al-ilm wa fadl at-tawhid. Tabaqa al-adhan? Ashtaqa. سنبدأ في ترجمة صاحب الكتاب رحمه الله, فهو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من قبيلة تميم, هي قبيلة من قبائل العرب. Donc nous allons essayer de citer rapidement, si on a le temps aujourd'hui, ou bien de finir la semaine prochaine, la biographie, donc brièvement, de l'auteur du livre. Donc c'est Cheikh l'Imam Mohammed ibn Abdel Wahab, fils de Abdel Wahab, fils de Suleyman, fils de Ali, qui fait partie de la tribu des Tamim. Wulid al-Sheikh, rahimahullah, sanata 1115 للهجرة في بلدة العيينة, هي في القصيم والنجد, وتلقى فيها علومه الأولية, فتعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين. هذا شأن العلماء رحمهم الله, كانوا أن يهتمون بكتاب الله تبارك وتعالى في صغره, وفي الغالب يحفظون القرآن قبل البلوغ. Donc il est né l'année 115 de l'Hégire, 1115 de l'Hégire, donc dans un village appelé, ou bien une ville appelée Al-Uyayna, qui se trouve dans la province de Najd, donc au nord, au nord-est à l'heure actuelle de l'Arabie Saoudite. 115 de l'Égypte, c'est environ en 1700 comme ça, un peu plus de 300 ans. Et il a appris les premières donc sciences religieuses, donc à l'endroit où il est né. Il a appris le Coran et l'a appris par cœur avant ses 10 ans. Donc il connaissait déjà le Coran par cœur avant ses 10 ans. Wa kana hadd al-fahmi wa waqad al-dhihn dhaki al-qalb sari al-hifz. Donc il comprenait très rapidement, avait une raison éveillée, il était très intelligent et mémorisait très vite. واجتمع له من هذه الملكات وراثة علمية ووسط ديني اجتمع له مع هذه الملكات وراثة علمية ووسط ديني صالح تربى فيه. Donc il avait toutes ces qualités et en plus de cela il a grandi donc dans un milieu pieux et vertueux dans lequel donc il a grandi. فجده كان عالما جليلا. Son grand-père était un savant illustre. ووالده قاضي العيينة. Son père était le juge de donc la ville où il habitait, العيينة. فأخذ عن مشايخ بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة. فحاز علوما وحفظ متونا. قرأ كثيرا من كتب الحديث والتفسير والأصول. وعني عناية خاصة بمؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية. Donc il a pris la science des savants de sa ville natale. Ensuite il a voyagé donc pour apprendre la science vers Al-Hijaz, c'est-à-dire la Mecque et Médine, Al-Yémen et Al-Basra en Irak. C'est alors qu'il a appris donc de la science et a mémorisé beaucoup de textes. Il a lu énormément dans les livres de hadith, de tafsir et de usul, c'est-à-dire les règles de la jurisprudence. Et il a beaucoup donné d'importance au livre de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève Ibn al-Qayyim. Wa ta'athara bi afkarihima wa istanara bi ara'ihima mimma kana lahu atharun wadihun ala da'wati al-Sheikh wa manhajihi. Et donc il a été très influencé par les idées de Ibn Taymiyyah et de Ibn Qayyim et leurs avis sur les choses et ce qui eut un impact et laissa une trace donc sur la voie que suivait Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab. عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملة حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف بينه وبين أميرها. Ensuite, en revenant donc, de tous ces voyages liés à la science, donc, toujours vous verrez, lorsque vous lisez les biographies de savants, que souvent ils voyagent. Ils voyagent après avoir appris ce qu'ils devaient apprendre à leur ville natale, en général, ils voyagent vers d'autres endroits afin d'acquérir d'autres sciences. Ensuite, après donc, ces voyages, il est revenu à un endroit qui s'appelle Hurimala. Donc il n'est pas revenu à sa ville natale du fait que son père avait déménagé vers cet endroit du fait qu'il y avait eu divergence entre lui et entre le dirigeant de Al-Uyayna. فدرس على والده في حريملة ودعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وبينا بطلان ما عليه عباد القبور. Donc il s'est remis à étudier auprès de son père et a appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en montrant à ceux qui adoraient les tombes l'erreur sur laquelle ils étaient. ولما توفي والده عام 53 و100 و1000 اعلن دعوته الا انه ما لبث ان قرر او ان قرر ان حريملة لا تصلح ان تكون منطلقا للدعوه فانتقل منها فيما يقارب عام 55 و100 و1000 الى العيينة. فنصره أميرها عثمان بن معمر أول الأمر ثم خذله. Ensuite, lorsque son père est décédé, l'année 1153, il a donc décidé de faire un appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à l'époque, il y avait donc de nombreuses erreurs liées à la croyance musulmane. Donc à cet endroit qui est l'Uyayna, la Mecque, Médine, il y avait donc des gens qui adoraient les tombes. Des gens qui adoraient les tombes. Il y avait Qabr, Abdullah ibn Abbas, Al-Ta'if, il y avait Qabr, Meymouna, à proche de la Mecque, etc., etc. À Médine, il y avait également les Qubur al-Sahaba. Donc il y avait de graves erreurs que commettaient les gens par rapport à l'adoration des tombes. Donc il a décidé d'appeler au Tawhid et à ce qu'était la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est rendu compte que cet endroit qui était Hureymala ne pouvait pas être un endroit de départ pour son appel qu'il voulait faire. Donc il est retourné à Al-Uyayna en ayant l'appui du dirigeant de l'Uyayna, Uthman ibn Ma'mar, qui l'a appuyé au début et ensuite l'a délaissé. Fantaqala al-Sheikh ila al-Dir'iyya. Donc il s'est ensuite rendu vers un endroit qui s'appelle al-Dir'iyya. Wa hayya'a lahu wa ayyaha Allahu lahu al-Amir Muhammad ibn Sa'ud faqawiyat wa intasharat da'watuhu fa'akhadha yanshuru at-tawhid wa yujahidu fi ihya'i as-sunnah wa imatati al-bid'ah. Donc il s'est rendu vers cet endroit qui s'appelle Ad-Dir'iyya et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il rencontre un homme qui s'appelle Muhammad ibn Sa'ud, et donc son appel et sa da'wa a pris de la force et s'est répandu et a appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en combattant les innovations et en essayant de redonner vie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويدرس العلوم النافعة ويؤلف الكتب على طريقة السلف الصالح. Donc il a commencé à enseigner les sciences utiles donc à cet endroit et en écrivant des livres utiles également. Donc dans sa manière d'écrire, il suivait la voie des pieux prédécesseurs. وأخذ عنه كثير وخلف من التلاميذ الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله كما نفع به. Et donc beaucoup de gens ont pris de lui la science. Et il a laissé de nombreux élèves qui ont continué sur le même appel auquel a appelé Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et donc les gens ont tiré profit de ces gens-là. وَقَدْ مَدَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي عُمُرِ الشَّيْخِ فَعَاشَ فِي الدِّرْعِيَةِ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَيْهَا قَرَابَةَ 50 عَامًا قَضَاهَا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَطْبِيقِ مَبَادِئِهَا بِهَدْمِ الْقِبَابِ الْمُقَامَةِ على القبور وقطع الأشجار التي يتبرك بها الناس وإقامة الحدود والجهاد والعمل عن نشر الدعوة فقرت عينه بانتصار كلمة الحق وشمولها أجزاء الجزيرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il allonge sa vie. Il est resté à cet endroit qui est Al-Dir'iyya à peu près 50 ans, pendant lesquels il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala à appliquer les principes de l'islam en détruisant les mausolées construits au-dessus des tombes, en coupant les arbres auprès desquels les gens cherchaient la bénédiction, en appliquant les punitions imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, en combattant l'innovation et l'association, et en œuvrant afin d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la vérité, jusqu'à ce que son appel donc englobe toute la péninsule arabique. Toute la péninsule arabique fut atteinte par l'appel de cet imam, et même ailleurs, jusqu'au Maghreb, Fichem, et encore plus loin. وَقَدْ وَافَتْهُ مَنِيَّتُهُ وَقَدْ وَافَتْهُ مَنِيَّتُهُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ آخر شهر شوال سنة 60 و200 و1000 وكان عمره نحو 92 سنة ومات ولم يترك دينارا ولا درهما فلم يوزع بين ورثته مال ولا يقسم. Donc il est décédé l'année 1206 de l'Hégire, c'est-à-dire en 1792 de en l'an 1792, et il avait environ 72 ans et il est décédé en ne laissant ni argent ni or, et donc ses héritiers n'ont eu rien à se partager, mais il a laissé derrière lui une grande science et un appel à Allah subhanahu wa ta'ala, et à revenir aux principes de l'islam tirés du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا وصلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.